Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux, évidemment, hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec Céleste Sao, qui est la joueuse qui domine actuellement au championnat junior de golf qui se déroule à Ville-Saint-Denis. Et dans un premier temps, Céleste Sao mentionne que ça va très très bien et elle aime beaucoup beaucoup le terrain à Chicoutimi. On va l'écouter là-dessus. Moi, j'aime beaucoup le terrain, comment il est fait et tout. Il y a beaucoup d'opportunités de faire des birdies, mais par contre, tout au long du terrain, il y a plein de défis. Il y a des trous qu'il faut faire attention pour ne pas être trop agressif. Dans un deuxième temps, Céleste Dao mentionne qu'elle a beaucoup, beaucoup de plaisir cette semaine à Ville-Saint-Denis. Cette semaine, tu parlais? Oui, c'est ça. Dans le fond, la compétition, je m'attendais... La compétition, tu sais, j'attends tout le temps des meilleurs des autres. Puis je voulais faire un tournoi au Québec, donc c'était important pour moi de faire ce tournoi cette semaine. Puis c'est vraiment le fun de revoir toutes mes amis qui sont ici, donc je suis vraiment contente d'être ici. OK. Parce que toi, le Et dans un dernier temps, Céleste Dao a participé au US Open féminin et elle mentionne que ça lui a donné beaucoup, beaucoup d'expérience. Elle a joué entre autres avec Brooke Anderson. Cette semaine, tu parlais? Oui, c'est ça. Dans le fond, la compétition, je m'attendais. La compétition, tu sais, j'attends tout le temps des meilleurs des autres. Puis je voulais faire un tournoi au Québec, donc c'était important pour moi de faire ce tournoi cette semaine. Puis c'est vraiment le fun de revoir toutes mes amies qui sont ici, donc je suis vraiment contente d'être ici. OK. Parce que toi, le au gars, donc parlons maintenant évidemment des différents résultats. Céleste Dao qui mène hier, elle a joué moins 4, donc elle est toujours confortablement en première position. Elle a un cumulatif de 212. Chez les hommes, c'est Rémi Chartier de Montréal qui mène. Maintenant, au niveau des régionaux, on a noté que Marc-Antoine Sanfasson a joué plus 10 hier, se retrouve à égalité au 28e rang. Nicolas Gay, tant qu'à lui, est en égalité en 42e position. Et également, Adrienne Allard, la forêt a des bonnes chances, elle, de se classer dans le top 10. Elle est à plus. Elle est actuellement à plus 17 en 8e position. Maintenant, on va parler de Pierre-Alexandre Bédard. Et Pierre-Alexandre Bédard également qui connaît une bonne saison sur le circuit canadien Pro Tour. Et dans un premier temps, Pierre-Alexandre Bédard mentionne qu'il est très content de sa saison. J'avais connu une grosse hiver un petit peu plus difficile, si on veut, pour moi, après le niveau du golf. Donc, j'avais pas trop d'attente en début de saison. Je voulais m'enlever un petit peu de pression, puis me laisser aller. J'ai connu quand même un très, très bon tournoi à Rimouski, l'endroit où je devais défendre mon titre. Puis j'ai été premier tout le tournoi, commis quelques petites erreurs en fin de parcours pour terminer troisième, mais quand même. Okay. Bon début de saison pour moi, ensuite avec Toronto aussi, j'ai une grosse victoire, ma plus grosse victoire en carrière, puis cette semaine qui approuve une 8e position. Donc c'est... Dans un deuxième temps, ce qu'on a remarqué, c'est que Alexandre Bédard s'était beaucoup amélioré sous la pression. Il nous explique qu'est-ce qu'il a fait. Vraiment, écoute, ça a été deux gros tournois. C'est sûr que il y a quelques années, c'était plus dur pour moi de gérer la pression en fin de tournoi gagné. Mais depuis un an et demi, depuis que je tournais pro, là, j'ai pris beaucoup de confiance. Puis ça me permet d'être fait puis d'aller chercher la victoire. Là. Je suis vraiment un golfeur plus expérimenté, si on veut. J'ai vécu beaucoup d'expérience là, dans les positions pour gagner, donc c'est pour ça que présentement je suis capable de gagner. Et dans un dernier temps, Pierre-Alexandre Bédard a parlé de la Floride et ça l'a aidé quand même sa dernière hiver. Tu viens par découvrir des nouvelles choses, puis pour moi ça a été bon, même si j'ai connu quand même une hiver, je dirais, difficile. En fait, de golf, j'ai pas joué de gros résultats, mais ça m'a justement appris ça m'a appris d'autres choses, puis quand je viens dans des moments difficiles, je suis capable de mieux gérer ça. Comme je l'ai fait là, dans les dernières semaines, justement. Là. OK, OK. Il arrive quoi maintenant de soccer? Il y avait des matchs qui nous intéressaient hier. Notez que le Chinook de Chicoutimi a défait l'Uni de Robertval 2-0. Notons dans les autres matchs également que le FC de Robertval a défait le Chinook de Chicoutimi 5-2 dans la catégorie senior masculin division 1. Maintenant, Ligue de balle lente de Robertval. Trois matchs étaient au programme ce mardi soir. Le Zodiac a défait Mégavac 17-7, l'Intersport 16, Garma 15 et Saint-Hubert 19, pièces de Tourroussel 11. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Céleste Dao qui mène actuellement à Ville-Saint-Denis le tournoi de golf junior et également aussi dans un deuxième temps. On a parlé avec Pierre-Alexandre Bédard, le golfeur de Chibougamau. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.